La la la la. Jeanne d'Arc, une rencontre. Épisode 2. L'âme de Jeanne. On parle toujours du corps de Jeanne, jamais de son âme. Cette phrase de l'historienne Colette Beaune résonne en moi. Moi qui ai vainement cherché une trace tangible de la présence de Jeanne d'Arc de Rouen jusqu'au Puy du Fou. Et j'en étais là, dans la poussière du parking d'un parc d'attractions, quand j'ai décidé de réorienter mon enquête et de reprendre mes recherches à la source. Là où les voix étaient venues à Jeanne et d'où, encore adolescente, elle s'était lancée dans le voyage initiatique qui allait la mener jusqu'à son roi. Et voici comment je débarque à Domrémy, dans la vallée de la Meuse, aux marches de la Lorraine et du Barrois, où m'attend l'écrivain Michel Bernard. La Meuse est toujours là. Elle ressemble exactement à la Meuse qui coulait ici il y a 6 siècles. Les collines autour, les coteaux, la forêt. Le village a un peu changé, évidemment. La maison natale de Jeanne d'Arc est toujours là. On l'a élevée d'un étage. Mais l'endroit où elle est née est bien là. Les 4 murs entre lesquels elle est née est bien là. Il pleut, au mois de février 1429, c'est peut-être un peu pareil. Le ciel est le même, il est tout blanc là. Non, vraiment, ce qui a changé un peu la route, évidemment, le bruit des quelques camions qui passent, pas beaucoup, hein, quelques voitures. Les statues qui rappellent ce qui s'est passé ici, ou ce qui ne s'est pas encore passé, mais ce qui allait naître, et ce qui, dans ce petit endroit... par l'impulsion qui donnait par le bébé qui allait naître ici, allait changer l'histoire de France. Quels sont votre nom et votre surnom ? En mon pays, on m'appelait Jeannette. Et après que je fus venue en France, on m'appela Jeanne. Du surnom, je ne sais rien. Quel est votre lieu d'origine ? Je suis née au village de Domrémy, qui fait un avec le village de Greux. C'est au lieu dit Greux qu'est la principale église. Quels étaient les noms de vos pères et mères ? Mon père s'appelait Jacques d'Arc, ma mère Isabeau. On voit d'abord cette petite maison là, de forme un peu triangulaire. On ne sait pas exactement dans quelle pièce elle est née. Mais elle est née dans une de ces pièces. Quand je la visitais, quand j'étais enfant, il y a une 50aine d'années, c'était déjà comme ça. Des pièces vides, nues, et je me souviens qu'enfant ça m'avait impressionné justement. Ça parlait du dénuement, de la simplicité, et puis du sentiment que dans cet endroit très modeste était né quelque chose qui allait devenir très grand, et que pour cela aucun ornement n'était suffisant, et toute pièce de mobilier aurait été déplacée. Et puis c'est la pierre. C'est-à-dire l'élément, au fond, à la fois le plus naturel, ce qui est extrait du sol, et en même temps façonné, travaillé par la main de l'homme. Ces pierres taillées l'ont été par des hommes qui sont morts depuis très très très très longtemps. Et pourtant, cette pierre nous abrite toujours. Je pense que Jeanne d'Arc avait une sensibilité très très aiguisée, évidemment. Elle devait sentir ce genre de choses. Le poids du temps que nous ressentons dans cette maison, elle le ressentait aussi. Non, je crois qu'elle est très attachée à cet endroit. Hein. D'ailleurs, elle en parle à son procès. Elle en parle avec émotion. Et puis c'est un endroit qui est assez beau. Hein. On n'a pas forcément envie de partir. Et en même temps, c'est une des choses qui lui seront reprochées, d'être partie sans autorisation, oui, de la maison paternelle. Quelque chose qu'elle se reprochait à elle-même, puisqu'elle a écrit une 50aine de lettres, enfin, elle a dicté une 50aine de lettres. La première lettre qu'elle a dictée, c'était quelques 24 heures, 48 heures après son départ, elle a dicté une lettre à ses parents pour leur demander pardon d'être partie. Elle avait conscience de la souffrance, de la peine qu'elle allait leur causer en disparaissant ainsi. Non, elle est très attachée à cet endroit, évidemment. Elle se sent d'ici. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle revendique sa qualité de fille de Don Rémy. Constamment. Et puis surtout, ce qui est remarquable, c'est la position à côté de l'église. C'est la même. C'est là, dans ce jardin, que Jeanne a entendu les voix pour la première fois, vers l'âge de 12-13 ans, dit-elle. Dans le jardin de son père, pas loin de l'église. Voilà, on y est là. Quand j'eus l'âge de 13 ans, j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Et la première fois, j'eus grand peur. Et vint cette voix, environ l'heure de midi, au temps de l'été dans le jardin de mon père, en un jour de jeûne. Je n'avais pas jeûné la veille. J'ouïs la voix du côté droit vers l'église, et rarement je l'ouïs sans clarté. En vérité, il y a clarté du côté où la voix est oui. Il y a là communément une grande clarté. Quand je vins en France, souvent j'entendais cette voix. Le jardin du père de Jeanne d'Arc, il ne peut être que un jardin très simple, très naturel, où finalement pousse un peu ce qu'il veut. Mathilde Laurent et Elisabeth de Feydeau. Des primes verts, des pensées, des Montbrecia. Je ne sais pas, dans le jardin de mon grand-père, il y avait des Montbrecia, des anémones du Japon. Et peut-être que c'est ce genre de jardin dans lequel on peut recevoir une vocation. Moi, quelque part, j'y ai reçu ma vocation de parfumeur. Alors, peut-être que le jardin du père de Jeanne d'Arc, voilà, c'est celui dans lequel elle reçoit sa vocation, parce que c'est un jardin qui laisse place à la rêverie, à la pensée. C'est un jardin, justement, qui représente la nature, qui ne la domestique pas, mais qui la montre dans toute sa simplicité et sa force en même temps. Donc je ne sais pas si Elisabeth est d'accord avec moi et si ce jardin a pu exister à l'époque de Jeanne d'Arc, mais... Si, je pense que ce que tu dis est très vrai. Le jardin de tout temps, c'est cette idée de cette nature qui s'exprime et qui donc est un espace de plénitude et à la fois de solitude. Également, on parle du jardin intérieur, donc il y a quelque chose qui est tout à fait en miroir entre l'être, la pensée et la nature. Ce qu'on sait sur Jeanne d'Arc, c'est que comme on est au Moyen-Âge, on n'est pas encore dans les jardins Renaissance, on est encore dans ces... En plus, on est quand même dans le fin fond d'une province, etc. Donc on n'est pas encore... On est très loin de l'Italie où est né le jardin Renaissance. On est dans ces jardins médiévaux, qui sont donc en carré. Chaque carré étant dédié à quelque chose. Donc on peut imaginer ce jardin multiple, avec à la fois le verger, le potager, les fleurs à couper aussi, ce qu'on appelait le jardin des fleurs à couper, où là, il y a exactement ce que tu décris. Et puis, moi, j'imagine aussi un jardin des simples, puisque à l'époque, on a besoin de se guérir, et le simple, enfin les simples, désignaient les remèdes. Oui, les aromates. Les aromates, exactement. Donc, c'était en priorité dans les monastères, mais chaque particulier pouvait avoir aussi son jardin des simples pour l'aider à guérir les maladies courantes. Et on sait aussi que Jeanne d'Arc avait ce pouvoir de guérisseuse. Donc, moi, je l'imagine bien aussi savoir maîtriser ces plantes, ces aromates, comme la camomille, le thym, le romarin, la lavande aussi. La lavande, exactement, qui étaient toutes ces plantes médicinales très typiques du Moyen-Âge. D'accord. La sauge. Belle, bonne, sage, Oh, Adieu, Meuse endormeuse et douce à mon enfance, qui demeure au pré où tu coules tout bas. Meuse, adieu, j'ai déjà commencé ma partance en des pays nouveaux où tu ne coules pas. Voilà que je m'en vais en des pays nouveaux. Je ferai la bataille et passerai les fleuves. Je m'en vais m'essayer à de nouveaux travaux. Je m'en vais commencer là-bas des tâches neuves. Et pendant ce temps-là, Meuse ignorante et douce, tu couleras toujours, passante, accoutumée, dans la vallée heureuse où l'herbe vive pousse. Ô Meuse inépuisable que j'avais aimée. Charles Péguy. Quand j'ai commencé à lire Péguy, j'ai tout de suite pensé à ce décor de dunes blanches. Bruno Dumont. De dunes boisées, de petits bois, de pins, tout ça en bord de la Manche. J'ai tout de suite pensé à ce décor-là, qui pourtant n'a rien à voir avec le décor historique de la Lorraine, c'est-à-dire, et de Don Rémy, puisque c'est vrai que ça concernait Don Rémy. Mais ça constituait parfaitement ce que je cherchais à savoir plutôt du merveilleux. Et je pense qu'elle relève du merveilleux. Voilà, il fallait que le décor le dise au-delà de ce qu'elle va dire. Et donc elle est souvent pieds nus dans le sable. Elle sautille, elle danse. Et ça en dit long, je pense, sur la vie intérieure. C'est-à-dire ce décor-là, c'est-à-dire ce décor de dunes et de landes, il est assez juste par rapport au paysage d'époque. C'est un paysage aussi de douleur et de souffrance, parce qu'à l'époque, le point de départ de la vocation de Jeannette, c'est quand même la misère autour d'elle. Le départ de sa vie spirituelle, c'est simplement un petit regard, enfin quand je dis petit, je parle de sa taille, hein, sur son environnement et de voir que la misère est autour d'elle et que ça l'insupporte. Et que tout le déclenchement grandiose et de sa vie surréelle part vraiment de là. C'est pour ça que c'est un personnage social. C'est-à-dire que c'est pas un personnage forcément tout de suite catholique, chrétienne, très montée là-haut, mais elle est très versée sur les siens et sur la douleur qu'elle peut voir autour d'elle. Et c'est ça qui la déchire, en fait. Elle est d'abord déchirée comme une petite fille qui elle pleure parce qu'elle voit que les gens sont malheureux. Mon Dieu, nous serons bien sages, nous serons bien soumis, nous serons bien obéissants, nous serons bien fidèles. Mon Dieu, nous sommes vos enfants, nous sommes vos enfants. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait de votre peuple? Madame la bergère, on a faim! Madame de la bergère, nous la faim! Madame la bergère, on a faim! Madame de la gardienne, nous la faim! Madame la bergère, on a faim! Eh ben ouais! Madame la bergère, on a faim! Madame la bergère, on a faim! Madame de la bergère, j'ai du pain! Je pense qu'il faut la voir comme une paysanne. Philippe Contamine. Fondamentalement, elle a une expérience de petite paysanne. De petite paysanne sérieuse, appliquée, qui ensuite, elle est devenue ce qu'elle était. Mais fondamentalement, c'est une petite paysanne dans un village qui, à mon avis, a quelque chose comme 250 habitants, pas davantage. Mais à l'intérieur de ce petit village, il y a, disons, une quarantaine de feux, comme on disait à l'époque. Il y a une paroisse, il y a un curé de paroisse, il y a même des chapelles annexes. Et puis également, il y a quand même une hiérarchie. Et son père, Jacques d'Arc, on est assez bien renseigné sur lui, est à la tête, non pas tout à fait le premier, le deuxième, peut-être le deuxième, le troisième, à l'intérieur de cette petite communauté. Donc, disons que elle appartient à une famille, toute proportion gardée, de notables de ce petit village. Mais un notable, à cette époque-là, vers 1420, c'est peu de choses. Il a peut-être 10 hectares, 3 vaches, une basse-cour, 2 chevaux, parce que je pense que les charrues sont plutôt traînées dans cette région-là par des chevaux que par des bœufs. Vous voyez, c'est un petit peu le genre. Donc c'est une une paysanne, mais qui est prise dans les circonstances politiques et militaires de l'époque. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser la situation ? Alors, le village de Domremy, je ne crois pas qu'il ne faut pas prononcer le Domremy, mais Domremy, bon. Le village de Domremy appartient au Royaume de France. Ça, c'est incontestable. C'est peut-être un village frontière, mais il se situe à l'ouest de la Meuse, et au-delà de la Meuse, naturellement, c'est l'Empire. Alors, ce village appartient au duché de Bar, dont le titulaire est le futur roi René. À ce moment-là, il est simplement duc de Bar. Et en même temps, ce village de Domremy est un petit peu mixte, parce qu'il y a une partie du village qui appartient au domaine du duc de Bar, et puis l'autre partie qui peut-être appartient au domaine royal. Et par conséquent, la guerre, surtout à partir de 1425, se rapproche dangereusement de Domremy. C'est une zone d'insécurité. Et pourquoi c'est une zone d'insécurité ? Bien parce que, justement, elle n'appartient pas encore à la France anglaise. Et il s'agit de s'emparer, par conséquent, de tout ce secteur-là. Domremy, ce n'est pas fortifié, il y a un vague château, mais enfin, ce n'est pas un véritable enjeu. Mais à côté, il y a une forteresse et qui est vos couleurs. Donc, c'est l'expérience de la guerre qui a été la sienne. Et je dirais qu'elle en a entendu parler parce qu'elle est attentive, parce que tous les gens en parlent, parce que les nouvelles circulent. Il ne faut pas l'oublier. Hein. On croit que c'est... On dit, non, les nouvelles circulent, elles circulent assez vite. Et du côté de Domremy, on est carrément du côté de Charles VII, du côté du Dauphin. Et la Jeanne d'Arc dit elle-même, chez nous, il y avait un seul bourguignon et j'aurais bien voulu l'exterminer. Je le plains, ce bourguignon. Il était tout seul, bon. Ceux de Domremy tenaient-ils le parti des bourguignons ou le parti adverse ? Je ne connaissais qu'un bourguignon, et j'eusse bien voulu qu'il eût la tête coupée, voir s'il eût plu à Dieu. Et puis, il y a ces Anglais, et c'est surtout ces bourguignons qui s'avancent. Je pense qu'avant 1429, elle n'a jamais vu un Anglais. C'est à partir d'Orléans, du siège d'Orléans, qu'elle a vu un Anglais, mais elle sait que les Anglais et les bourguignons sont du même côté, et pour elle, elle a quand même une idée assez extraordinairement limpide et claire des choses. Il y a premièrement les Anglais qui sont des ennemis, ils n'ont rien à faire en France, et deuxièmement, il y a les Bourguignons qui sont des rebelles. Et donc il y a deux politiques menées par Jeanne d'Arc vis-à-vis des ennemis et vis-à-vis des rebelles. Les rebelles, tout simplement, ils doivent se soumettre. La voix vous a-t-elle dit en votre jeunesse de haïr les Bourguignons ? Depuis que je compris que les voix étaient pour le roi de France, je n'ai point aimé les Bourguignons. Les Bourguignons auront la guerre s'ils ne font pas ce qu'ils doivent. Et je le sais par la voix. En votre jeune âge, avez-vous eu révélation par la voix que les Anglais devaient venir en France ? Les Anglais étaient en France quand les voix commencèrent à me venir. Fûtes-vous jamais avec les petits-enfants qui combattaient pour le parti que vous tenez ? Non. Je n'en ai mémoire. Mais j'ai bien vu que ceux de la ville de Domremy s'étaient combattus contre ceux de Maxey, et en revenaient souvent bien blessés et saignants. C'est un temps troublé. Et Domremy n'est pas à l'abri. Un an avant de quitter vos couleurs pour Chinon, Jeanne d'Arc était allée se réfugier à Neuchâteau avec sa famille, parce que une bande de bourguignons remontait la vallée et ravageait tout sur son passage. Michel Bernard. Elle avait l'habitude des alertes ? Des moments où il fallait vite rassembler les troupeaux et puis les mettre à l'abri parce que des pillards passaient dans la région ou étaient signalés. C'est un temps de guerre. Elle est née en temps de guerre. Et elle part en temps de guerre pour faire la guerre. Ce qui est certain, c'est qu'elle a la conscience de vivre dans une époque qui n'est pas normale, où il se passe des choses anormales et où les gens souffrent. Elle se sent elle-même peut-être un peu protégée, parce que Domremy n'est pas dans un coin à l'épicentre des combats, et puis elle est dans une famille aimante qui l'entoure, son père est un homme avisé, mais elle sait ce qui se passe alentour, elle est informée lorsqu'on a brûlé tel ou tel village, lorsqu'on a volé des troupeaux, lorsqu'on a violé dans tel village, elle est informée, les informations circulent vite dans cette vallée de la Meuse, et elle se sent, oui, solidaire. Elle est chrétienne, elle compatit, et sans doute a-t-elle aussi des appréhensions que ce qui est arrivé dans le village voisin finisse par arriver chez elle. Oui, ça crée un climat de trouble qui donne aux visions qu'elle a, aux voix qu'elle a, donne un caractère dramatique, puisque ses voix, ses visions lui disent que c'est elle qui va être chargée de faire cesser tout cela, de le faire cesser en chassant les Anglais hors du royaume de France, puisque la cause des désordres, c'est la prétention du roi d'Angleterre à la couronne de France. Désordre qui dure depuis, au moment où Jeanne d'Arc naît, depuis trois quarts de siècle. Donc la guerre était une chose dont elle avait une expérience. Ce n'était pas un truc qui n'arrive qu'aux autres. Colette Beaune. Donc elle a pensé à la guerre très tôt, puisqu'elle avait 12-13 ans, qu'elle parlait avec un de ses compagnons futurs, qui lui disait « Mamie, faudra-t-il que nous soyons anglais ?» Ce qui est une réflexion d'ordre guerrier et politique. À une époque où les femmes se préoccupent très peu de ce genre de choses. Donc, elle a entendu parler de politique et de guerre dans son enfance. Sur la route de Noremy, qui est une très grande route, passent les frères mendiants et les marchands qui vont vers la Flandre. Donc, c'est pas un coin si paumé, c'est ça que je veux dire. C'est quand même un endroit où l'on reçoit aussi des lettres du roi qui vous informent régulièrement sur le siège du Mont-Saint-Michel. Elle connaît cette histoire-là. Elle sait que en 1425, au Mont-Saint-Michel, les Anglais ont été repoussés. Peut-être une des raisons qui fait que Saint-Michel a été choisi plutôt que Gavriel, plutôt qu'un autre, quoi. XIVe et XVe siècle, en tout cas en France, ont été une période très difficile. Il y a eu la peste noire de 1347-1349, et puis les épidémies subséquentes. Le journal d'un bourgeois de Paris parle beaucoup de ces épidémies, de toutes sortes, de toute nature, et donc, à mon avis, il y a eu une, je ne suis pas le seul du reste à le penser, il y a peut-être une diminution de 40 ou de 50% de la population française. Donc, Jeanne d'Arc, disons, le paysage de Jeanne d'Arc, depuis Domremy jusqu'à Chinon, et puis ensuite la Champagne autour de Paris, et même la Normandie, c'est un paysage de désolation. Et il ne faut jamais oublier à cela. Et donc un paysage où il y a des bêtes sauvages, où il y a des broussailles, la forêt qui pousse, etc. Il y a un témoignage de Thomas Bazin, qui a été évêque de Lisieux, et qui du reste a témoigné lors du procès de réhabilitation. Il a écrit un très beau mémoire en faveur de Jeanne d'Arc. En tout cas, Thomas Bazin, dans son histoire de Charles VII, évoque une France dévastée, dépeuplée, redevenue sauvage, et c'est justement la France de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a connu des violences, et ces violences se manifestent par des incendies de village, et il semble bien, pas tout à fait sûr, mais enfin il y a un texte qui le dit, que l'église de Domremy a été au moins partiellement incendiée. Il y a la razzia des récoltes, et il y a également la razzia du cheptel. Le cheptel est radié, et puis à ce moment-là, eh bien, les villageois, pour ravoir leurs bêtes de somme, indispensables au fonctionnement de l'économie, doivent payer rançon. Et puis il y a des meurtres ici ou là. Et il y a un personnage qui s'appelle Robert de Sarrebruck, qui sévit dans la zone, damoiseau de commercier, comme on dit, et qui n'est pas un tendre. Et donc, on voit que les rapports, du reste, entre Robert de Sarrebruck et Jacques d'Arc sont sur des rapports mauvais. Donc, c'est, si vous voulez, c'est à la fois, c'est une petite guerre, une insécurité générale, plus probablement des viols, des choses comme celle-là. Moi, j'imagine bien quand même ces odeurs de boue. Hein. On est quand même dans des sentiers, des chemins. Donc, cette odeur de terre mouillée, beaucoup, de cadavres aussi. Parce qu'il devait y avoir un peu des cadavres en putréfaction un peu partout, dans les bois, etc. Une odeur de crainte, d'angoisse, d'insécurité. Qui est aussi avec cette proximité du monde animal et du monde humain. Ou même quelquefois, l'homme devient une bête. Également, donc il y a toute cette animalité qui doit ressortir. Bah pour moi, justement, en fait, forcément, cette odeur-là, c'est forcément des gens qui vivent dans les bois. L'odeur des bois, c'est une odeur assez belle, assez intéressante. Donc c'est l'humus, c'est les feuilles, c'est les essences de bois, le chêne qui est une odeur absolument géniale. Donc ça, c'est des odeurs plutôt positives. Donc est-ce que Jeanne d'Arc les a connotés positivement ou plutôt comme des odeurs de danger. Je pense que l'odeur d'un bois, c'était peut-être plutôt pour elle l'odeur d'un danger et peut-être qu'elle appréciait peu l'odeur des sous-bois que nous aujourd'hui on goûte avec plaisir parce qu'on s'y promène et parce qu'il représente un retour à la nature. Mais sinon, du coup, pour moi, c'est probablement à ce moment-là l'odeur de la crasse, justement. Forcément, si on vit dans les bois et si on est condamné à voler et à tuer, on est forcément en marge et donc forcément on se lave moins et voilà. Donc ces odeurs-là, pour moi, c'est des odeurs de crasse, des odeurs fécales. Moi, je pense que Jeanne, comme tous les anciens, devait très bien faire fonctionner son odorat. Et elle devait, quand on dit d'ailleurs encore aujourd'hui, je sens pas, ou, elle devait vraiment faire confiance à toute odeur étrangère qu'elle ne connaissait pas pour avoir l'esprit alerté. Ça, je suis convaincue de ça, qu'elle avait ce côté beaucoup plus animal, en fait, que nous, on a totalement oublié, voilà, instinctif. C'est dès qu'elle sentait une odeur qu'elle ne connaissait pas, elle était certainement en alerte. En plus, c'est une femme, donc elle est beaucoup plus sensible encore aux odeurs, que ce soit ses propres odeurs aussi, puisque pendant très longtemps, le moyen contraceptif naturel des femmes, c'était leurs odeurs. Elles devaient apprendre à reconnaître leurs odeurs au cours des cycles. Et ça, je suis convaincue de ça. Son odorat a dû beaucoup la guider, alors consciemment, inconsciemment, ça c'est plus compliqué à savoir. Donc il y a la faim, il y a la désolation, il y a des bâtiments abandonnés, il y a des ruines, il y a des incendies. Et puis ensuite, eh bien, l'idée de Jeanne d'Arc, ça pourrait repartir par la paix. Donc la solution, c'était la paix. Les épidémies, on n'y peut rien. Les accidents climatiques, on n'y peut pas grand-chose, puisque somme toute, ça dépend du ciel. Mais la paix, ça dépend des hommes. Et donc, il y a cette idée, cet espoir de la paix, cet espoir quasiment messianique de la paix, dont Jeanne d'Arc est aussi l'incarnation. Donc, il y a Jeanne d'Arc, chef de guerre, mais chef de guerre pour la paix. Hein, pour la paix entre les hommes, et en particulier entre les Français et les Bourguignons, voire entre les Français et les Anglais, et puis cette chrétienté pacifiée, ben pourquoi pas, c'est un rêve qui traîne encore, pourquoi pas, et bien on l'enverra du côté de Jérusalem pour reprendre la Terre Sainte. Alors ça apparaît, si vous voulez, marginalement, mais enfin, ça n'est pas étranger à la vision du monde que Jeanne d'Arc pouvait avoir. J'allais chercher Jeanne chez son père et la conduisis dans la maison qu'il habitait et elle me dit qu'elle voulait aller en France vers le dauphin pour le faire couronner, déclarant « N'a-t-il pas autrefois été dit que la France par une femme serait désolée et ensuite par une pucelle devait être restaurée ?» Durant l'Axar. Je pense qu'elle, elle se voit en prophétesse parce que depuis, alors là, au moins plus de 100 ans, il y a des prophéties. Sophie Brouquet. Et ces prophétesses sont toujours des femmes. Il y a quelques hommes, mais toujours des marginaux, des bergers, des enfants. Mais il y a énormément de prophétesses qui viennent à la cour de France, qui sont reçues à la cour de France, pour, dans ce contexte hein, catastrophique là, d'une succession de défaites affreuses des Français face aux Anglais. Et Jeanne d'Arc, ça, elle le connaît. Elle connaît parce que ça, c'est véhiculé par les prédicateurs, notamment les franciscains. Et elle connaît parfaitement ses prophéties, et notamment une prophétesse qui se trouvait à Avignon, qui s'appelait Marie Robin, et qui va annoncer qu'une vierge venue des confins du royaume va venir sauver la France. Et ça, c'est bien avant la naissance de Jeanne. Et donc, je pense que c'est plutôt de ce point de vue-là qu'elle se voit. D'ailleurs, lors du procès, premier procès à Rouen, elle insiste sur cet aspect-là, sur les visions, sur les voix, sur le fait qu'elle est l'envoyée de Dieu. Et donc, elle se voit plutôt comme une prophétesse, mais ça n'empêche que tous les nobles qui sont autour d'elle la voient, eux, comme une belle guerrière. Il y a quelque chose de mystérieux. Comment est-ce qu'à partir de 1425, 13 ans, elle a eu cette idée « Dieu m'a envoyé pour sauver le Saint-Royaume de France ». Parce que, disons, Dieu a pitié de son peuple. Et elle est animée peut-être par la pitié envers le peuple de France. C'est l'une de ses légitimités. Alors, il y a quelque chose qui est à la fois naturel, parce que effectivement les gens souffraient beaucoup. Mais en même temps, c'est extraordinaire de penser qu'elle a eu l'idée. Il y a un mystère là, qu'elle était chargée, c'était pas simplement une prophétesse, parce que les prophétesses, souvent, ça annonce quelque chose qui se fait en dehors d'elle, mais c'était une prophétesse qui disait que c'est elle-même qui allait accomplir cette prophétie. Donc pour moi, le mystère de la vocation de Jeanne d'Arc demeure un mystère. Était-ce voix d'ange qui vous parlait? Voix de saint, de sainte, ou de Dieu sans intermédiaire? C'est la voix de sainte Catherine et de sainte Marguerite. Et leurs figures sont couronnées de belles couronnes moult richement et moult précieusement. Et sur cela, j'ai congé de notre Seigneur. Comment savez-vous que ce sont ces deux saintes? Les connaissez-vous l'une d'avec l'autre? Je sais bien que ce sont elles, et je les connais bien l'une de l'autre. Comment les connaissez-vous l'une de l'autre? Je les connais par le salut qu'elles me font. Il y a bien 7 ans passés qu'elles m'ont prise pour me gouverner. Je les connais parce qu'elles se nomment à moi. Oui, Jeanne d'Arc entendait des voix depuis sa 13e année, qui s'était manifestée pour la première fois à Domremy, et qui était à l'origine la voix de Dieu, des voix anonymes qui n'avaient pas d'identité particulière. Et elle en a parlé évidemment au roi et à Dunois, un certain nombre de personnes l'ont su, mais très peu, parce que on ne pouvait pas dire qu'on allait mettre à la tête de l'armée quelqu'un qui entendait des voix comme ça en permanence, parce que les gens auraient pensé, elle est folle, ça va nous porter malheur. Et donc, en pratique, très très peu de personnes l'ont su. Et ce n'est que au procès que l'on se met à poser des questions systématiques sur l'identité des voix, et que les juges ont une idée très précise sur l'identité des voix. Les juges croient aux voix, parce qu'au 15e, tout le monde y croit. Alors, le problème, c'est de savoir si ces voix sont la voix de Dieu ou si ces voix sont la voix du diable. Mais autrement, l'Université de Paris, par exemple, quelques années auparavant, avait fait un appel au peuple en demandant à toutes les personnes qui entendaient des voix de Dieu de venir leur dire ce qu'il fallait faire pour sauver le royaume. Vous voyez, tout le monde y croit, même les juges de Jeanne d'Arc, à coup sûr. Mais est-ce de vraies voix qui viennent de Dieu ou bien des voix du diable déguisées? Parce que même Saint-Michel, qui est un ange de lumière, peut se déguiser et être en fait Satan sans en avoir l'air. Qu'est-ce que j'entends? J'entends des airs, j'entends vraiment, je te le jure, ça fait longtemps, la vie entière, j'entends des chants, ça j'en suis sûr. Ça vient de où? Ça vient du haut ou du dessous? Je sais pas trop. Là, tout à coup, comme un écho, ce qu'elle me joue, c'est tellement beau. Oui, toutes ces sirènes dans ma tête, c'est tellement beau. Oui, toutes les promesses qu'elles m'ont faites. Comment reconnaît-on des vraies voix, de fausses voix, et comment les voix sont-elles bonnes ou pas? C'est une question théologique extrêmement compliquée. Alors, il y a des réponses. Le porteur de la voix, pour que les voix soient bonnes, doit être vierge, pieux. La révélation doit conduire au bien du royaume ou au bien de l'Église. Ça dépend de la nature de la révélation, évidemment. Il ne doit aussi pas changer d'avis, pas dire un truc le matin et autre chose le soir. Vous voyez, il y a toute une série de procédures qui ont été mises au point par Pierre Dailly, au moins 20 ans, 20-30 ans avant Jeanne d'Arc, et qui sont appliquées à d'autres visionnaires. Jeanne d'Arc n'étant pas la seule, il y a beaucoup de visionnaires dans cette période de catastrophe, parce que justement les périodes de catastrophe attirent les visionnaires. Quand tout va bien, il n'y a pas de visionnaire, c'est tout simple. Quand tout va bien, c'est le roi, c'est l'Église qui fonctionne normalement. Mais quand le roi et l'Église ont plus l'air de savoir quoi faire, parce que c'est bien ça, eh bien Dieu entre dans le jeu, car on croit que comme il a créé le monde, il a toujours besoin d'y intervenir ou possibilité d'y intervenir. Et pratiquement, quand il arrive des malheurs à la France, qui est son royaume préféré, croit-on, les Anglais croient la même chose, mais ça n'a aucune importance. Et donc, quand il arrive malheur à la France, Dieu doit intervenir et il doit susciter la parole de quelqu'un. Alors, évidemment, ils auraient préféré tous qu'on suscite la parole d'un homme, c'eût été plus simple, ou bien d'un ange, c'eût été plus simple aussi. Et voilà que Dieu a fait un choix biscornu, puisqu'il a fait appel à une fille très jeune, qui venait de la frontière, qui était illettrée. Elle démarre de la société, même si elle n'appartenait pas à une famille pauvre. Et cette idée de choisir un prophète dans les marges, ça existe déjà dans la Bible. C'est pas non plus une innovation du 15e. Et en un sens, c'est la marge qui doit sauver le centre. C'est l'idée, en tout cas. La première fois que j'ouïs ma voix, je vouais ma virginité pour la garder tant qu'il plairait à Dieu. Et j'étais en l'âge de 13 ans, ou environ. Si on imagine l'odeur de Jeanne d'Arc, ben, moi je pense que c'est l'odeur d'un corps qui a une hygiène très simple. Je ne sais même pas si on se savonne à l'époque ou si tout simplement on se frictionne et que c'est assez rare de finalement de prendre une douche ou prendre un bain. Je crois que c'est assez rare. Alors, contrairement à ce qu'on pense, au Moyen-Âge, on est propre. D'accord. D'ailleurs, même le premier cri en ville, alors Jeanne habite à la campagne, mais dans les villes, le premier cri du matin, c'est celui justement des bains, de l'étuvier. D'accord. Qui vient annoncer que le bain est prêt. Il est chaud et donc on peut venir s'y plonger. Donc au Moyen-Âge, on se lave, c'est la fin du XVIe siècle qui annonce l'ère de la crasse, où justement l'eau va disparaître des habitudes quotidiennes, où on prétend que c'est très dangereux de se baigner parce que l'eau va pénétrer dans le corps. Au Moyen-Âge, c'est pas le cas, donc les gens se baignent, et c'est vrai, tu as raison, de façon très simple. Quand on est à la campagne, c'est souvent dans l'eau des rivières. On va se frotter le corps avec des feuilles de menthe, par exemple, qui permettent de donner aussi une bonne odeur. Le savon, il est réservé quand même aux gens riches. Hein. Il y a pas, c'est quand même une certaine population. On va utiliser aussi ce qu'on faisait sous l'Antiquité, la cendre. Parce que la cendre permet une sorte de gommage. Donc on peut imaginer que Jeanne était plutôt dans cette dimension-là. Elle est à la campagne, elle va se baigner dans l'eau des rivières, elle va se frotter peut-être le corps avec de la cendre et se le rincer à l'eau. Elle est effectivement pure. Et par la suite, on pourra imaginer son odeur de sainteté. Mais en tous les cas, en tant que jeune fille, elle doit certainement être dans ces notes très, très campagnardes aussi. cette odeur de virginité, je la trouve très intéressante. Pour moi, ça serait forcément pas une odeur florale. On parle de la fleur de la jeune fille, donc forcément, il y a une espèce d'analogie. Oui, mais pour moi, la fleur, elle est animale. Alors, mais elle est animale, coup, bien pour sûr. Pour moi, c'est déjà une odeur qui n'est plus virginale. Une fleur blanche. Ouais. Pour moi, je sais pas, ce qui me vient à l'idée comme ça, très bêtement, j'ai envie de dire, c'est une odeur finalement laiteuse. Une odeur peut-être même de beurre. C'est drôle comme finalement, très souvent pour décrire l'odeur de la virginité, on n'arrive pas à la décrire et on passe par la sexualité au bout du compte. Une sorte de musc blanc, tu vois, un peu quand on le... Quand oui, on oui. Les une décrit. Odeur qui est entre justement innocence et une odeur en même temps profondément animale, voilà. Attirante. Sexuelle, attirante, évocatrice aussi de parties génitales. C'est étonnant, enfin... Donc là, voilà, on sent en fait dans cet écrin, parce que le parfum y a été vaporisé il y a plusieurs semaines, et en fait, donc là, vous allez sentir le parfum tel qu'il est porté, donc pas sur une peau, mais sur un velours, mais en tout cas, c'est la notion d'évaporation. C'est ce que vous donneriez à sentir si vous portiez l'heure perdue. Voilà, je vous invite à mettre le nez dedans. Voilà, donc c'est vraiment, je te fais sentir, Elisabeth. Donc on a vraiment une note très ronde qui sent le lait frais et en même temps certains desserts à base de lait comme la crème anglaise qui sont aussi des desserts d'enfance. Donc il y a vraiment cette notion. Et puis, il y a aussi l'odeur de la chair, mais justement une chair qui soit maternelle ou une chair d'enfant. Donc vraiment, c'est retourner dans ces moments perdus qu'on ne retrouvera jamais, qui sont vraiment les moments où on est sur les genoux de sa maman, où on est encore complètement habité par son odeur corporelle. C'est ce que j'ai essayé de décrire dans ce parfum. Hey, virgin. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. I didn't know how lost I was till I found you. I've been beat, incomplete. I've been had, I've been sad and blue. But you made me feel. Yes, you made. Virgin? Yes, touched for the very first time. Like a virgin. When your heart is close to mine. Madonna. Pas oublier son âge. Hein. Elle est née probablement en 1412. elle a commencé à avoir ses voix en 1425, hein, 13 ans. Et puis elle commence son aventure à 17 ans. Donc c'est vraiment quelqu'un de très jeune, mais qui est au courant. Alors je pense que pour elle, il y a ce problème de la virginité qui est très important. Et c'est pourquoi c'est elle-même qui s'est désignée « Je m'appelle Pucelle ». Je m'appelle La Pucelle, alors il y a une petite tonalité, peut-être même avec une sorte de majuscule, si vous voulez. Donc, elle affichait sa virginité, alors que sa vocation était de se marier. Du reste, plus ou moins, elle a été fiancée, ou en tout cas, ses parents ont cherché à la fiancer. Et en même temps, la revendication de ce titre la protège. C'est pas la peine d'essayer, si vous voulez, je suis La Pucelle. Voilà. Bon, et à l'étranger, on l'appelle la Pucelle, à l'époque en Allemagne, en Angleterre, on l'appelle la Pucelle de France. Donc c'est quelque chose de très important. Il y a dans tout le Moyen-Âge une sorte de grande foi en la virginité. Florence Delay. Et dans une série de saintes qu'on appelle Vierges et Martyrs. Et il est important de savoir que Jeanne se réfère constamment à deux d'entre elles, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Alors, Sainte Marguerite d'Antioche est une bergère, comme elle. Et Sainte Catherine d'Alexandrie est aussi savante que Jeanne est analphabète. Et Catherine d'Alexandrie a réfuté une troupe de docteurs venus de toutes les parties de l'Égypte et insupporté terriblement le pharaon. Et je trouve que ces deux alliés, Marguerite d'Antioche et Catherine d'Alexandrie, je trouve que elles sont très mystérieuses. Parce que je suis absolument persuadée qu'elles lui parlaient tous les jours, comme Jeanne l'a dit. Jeanne n'a jamais menti. Et elle lui donnait des conseils, chacune dans son domaine. Et je pense que les paroles de Jeanne au procès, qui sont tellement extraordinaires, je pense personnellement que Sainte Catherine les lui a soufflées. Et que la très savante, la très philosophe, la très intelligente, a soutenu la très ignorante, l'analphabète et l'enfant. Moi, j'écoute grave Sainte Thérèse, en fait, donc je suis pas loin de Jeannette. Enfin, Lago de feu. J'ai jamais son level, mais je crois que les voix, elles viennent de nous, en fait. Après, on leur donne les noms qu'on veut et puis on les instrumentalise comme on veut pour avancer. Mais je suis admirative de ceux et celles qui écoutent la voix qui est dedans. Donc après, tu me nommes, tu peux dire que c'est Geneviève si tu veux, mais en vrai, meuf, on sait que tu te parlais à toi-même, quoi, tu vois. T'avais la dalle. Et puis, d'ailleurs, tu le sais quand t'es enfant et que t'as pas un futur glorieux, mais tu sais que t'as une mission. Je sais pas, t'es missionné comme les gamins qui veulent devenir pompiers. Depuis qu'ils sont petits, ils veulent être pompiers. Il y a une voix dedans qui leur dit tu vas aller éteindre des feux. Bon, bah, elle, elle a pas éteint de feu. Bon, bref. mais elle savait qu'il allait se passer un truc de ouf, quoi. Elle savait, donc juste, elle a mis le truc en route. Et je pense que c'est pour ça qu'elle était si admirée, controversée et tout, c'est qu'elle elle s'est écoutée, quoi. Elle a pas tortillé du cul deux secondes, quoi. Elle s'est dit, allez hop, j'y vais. Quitte à mytho, quitte à fugué, quitte à machin. Elle, aujourd'hui, sur Snapchat, ça serait une reine, elle. Tu vois, elle aurait des millions de followers et de petits geeks qui sont fans d'elle parce qu'elle dit, vas-y, casse-toi de chez toi, c'est bon. Tu vois, va faire tes trucs, quoi. Enfin, ce qui vient avec Jeanne, qui est quand même horrible, c'est que la meuf, elle parle et personne ne la croit. Genre, elle va faire son truc. Ah, si, quand ça les arrange, si. Ah, mais si, elle veut bien libérer la France et tout. Elle a grave du charisme. Elle dit au Charles VII, ouais, elle l'appelle le dauphin. Elle considère même pas que le mec, c'est un roi et tout. Elle challenge un peu les cums, mais elle les émascule pas trop. Et puis après, une fois que tout est remis en place, mais que bon, il y a des trucs de pouvoir avec machin et tout, là, on dit, non, mais en fait, t'as que dit de la merde, meuf. Donc on va venir t'éteindre. All good things gotta come to an end sometimes. Gotta come to an end sometimes. All good things gotta come to an end sometimes. All good things come to an end sometimes, and then sometimes. You want me to see what it is you see, but I just can't believe what you believe in. And then sometimes all good things come to an end. And then sometimes they do. Oh, what do you mean in the end? We just gotta know when to let it go. Let it breathe doesn't mean no one love you to the death. You and I both know that's run its course. You and I both know that's by force. We are new to this, but there is truth in this. We let it breathe, let it blossom, let it bloom till it's. Quand les inquisiteurs interrogent Jeanne d'Arc, ils lui demandent mais ces voix, elles viennent du bon ou du mauvais? Se doute, hein, forcément. Axel Pallavi. Elle a une réponse que je trouve magnifique. Elle dit si je suis dans la grâce sanctifiante, que Dieu m'y garde. Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Elle ne prend pas possession de ses visions. Elle les rend. Elle les donne. C'est vraiment, à mon avis, des visions, en tout cas au départ, qui avaient quelque chose d'absolument apparemment irréel pour nous, exagéré. Moi, je les vois comme ça. Je crois qu'après, ce sont des visions auxquelles elle a obéi. Moi, je sais qu'en tant que peintre, j'obéis de plus en plus. Et cette obéissance, on la reconnaît à ce en quoi elle n'est pas agréable. On obéit à quelque chose qui nous amène à un endroit où on ne voudrait pas aller. C'est le père Molinier qui parlait du Christ, de la voix du Christ sur la croix comme le chant des sirènes qui attirait Ulysse. Je pense à quelque chose comme ça. On est attiré, et on obéit à cette voix. Moi, c'est comme ça que je vois vraiment Jeanne d'Arc et ses visions. Elle était amoureuse. Elle était amoureuse. Je pense que cet amour-là, puisque en tout cas l'amour que vivait Jeanne d'Arc était un amour tout simplement avec Dieu, est un amour qui paraît halluciné forcément, ou en tout cas fou. Je pense que c'est le minimum, parce que si on a une relation d'amour avec avec le divin, si ça ressemble pas à une hallucination au minimum, c'est que c'est peut-être pas ça. Après, chez moi, il y a une exaltation en général. Je sais pas si j'hallucine. Je sais pas si je suis fou. Alors, moi, je parle de là où je suis. Hein. Encore une fois, en tant qu'halluciné, qu'illuminé, je suis directement à mettre au rancard avec les fous. Pour moi, c'est un dialogue présent. Il suffit de lui demander. Je dirais, asseyez-vous, dites Jeanne d'Arc, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu as envie de parler avec moi? Est-ce que je peux te rencontrer? Voilà. Après, on peut le faire par le biais de la culture et des inventions successives, du cinéma, etc. Je pense pas que ce soit la même chose. Je dirais encore une fois, EET, l'un plus l'autre. Et encore une fois, est-ce que j'ai vraiment rencontré Jeanne d'Arc? J'en sais rien. Je sais pas. Mais en tout cas, pour revenir à ce que disait le bourreau, un des bourreaux qui l'a tué, il a été très impressionné par... Alors c'est peut-être de la géographie à l'italienne, hein, mais c'est ce qu'on raconte par son visage quand elle brûlait, sa détermination. Je crois que définitivement, à ce moment-là, elle n'avait plus peur de mourir. Et j'ai l'impression que notre chemin, il va là, apprendre à accepter la mort. C'est peut-être le seul véritable héroïsme aujourd'hui. Et c'est là que je peux la rencontrer, et chacun d'entre nous. On chercha d'abord du côté psychiatrique. Jeanne fut victime d'hallucinations unilatérales droites fréquentes dans l'hystérie, puis de schizophrénie. Plus récemment, Lucy Smith attribua les aventures de la pucelle à des tendances incestueuses refoulées mais réciproques qui l'auraient unie à son père. Puis la pucelle transféra ses désirs sur le roi Charles VII tout en restant sexuellement frustrée et au final dépressive. D'autres cherchèrent du côté de l'identification sexuelle. Il y eut des Jeannes lesbiennes ou travesties dans les années 1970, de quoi rêvent les jeunes filles en pantalon. D'autres, enfin, plaident la malformation sexuelle. Jeanne aurait été un homme affecté d'un testicule féminisant, anomalie très rare, qui se traduit par une absence de toison pubienne, d'où une personne normalement formée, mais stérile. Plus folklorique encore, la tuberculose que Jeanne aurait contractée en gardant le troupeau de son père d'une vache folle avant l'heure. Or, la tuberculose peut provoquer des lésions ou des humeurs dans le lobe temporosphénoïdal gauche, provoquant des visions ou des voix. Jules Quichera, qui publia au milieu du XIXe siècle tous les textes connus sur Jeanne, le pressentait. « Je prévois de grands périls pour ceux qui voudront classer le fait de la pucelle parmi les cas pathologiques. » Colette Beaune. Sur ton front, ô noble héroïne, de bravoure et de pureté, resplendit la clarté divine du séjour. Sauva l'avance, mais au nom du ciel, mais au nom du ciel, par le bas de l'éternel. Alors, Jeanne d'Arc, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Monseigneur Lebrun. C'est cette jeune fille. Cette adolescence, mais qu'est-ce que l'adolescence à l'époque du XVe siècle ? Sans doute qu'il faut éviter tout anachronisme, mais qui écoute le ciel. Moi, je suis très frappé par les voix entendues par Jeanne d'Arc, et pas une fois, deux fois ou quinze fois comme Sainte Bernadette à Lourdes, mais c'est pendant des mois et des mois dans une espèce de conversation où elle peut poser des questions, où elle entend des réponses. Je dois dire que ça titille ma foi. J'ai rencontré beaucoup de croyants. Je n'en ai pas rencontré qui puissent me dire « Voilà, Sainte Marguerite, Saint Michel, attendez, je vais vous répondre demain parce que je vais les interroger. » Donc voilà, c'est cette sainte qui est reliée au ciel, jeune fille, et qui va vivre une épopée extraordinaire. Depuis quand avez-vous entendu la voix qui vient à vous ? Je l'ai ouï hier et aujourd'hui, une fois au matin, une fois à vêpres, et la troisième fois comme on sonnait l'Ave Maria du soir. Et je l'ouïe plus souvent que je ne le dis. Hier au matin, que faisiez-vous quand cette voix est venue à vous ? Je dormais, et la voix m'a réveillée. Vous êtes-elle éveillée en vous touchant les bras ? J'ai été éveillée par la voix, sans toucher. La voix était-elle dans votre chambre ? Non, que je sache, mais elle était dans le château. Avez-vous remercié cette voix ? Et avez-vous fléchi les genoux ? Je l'ai remercié, mais en m'asseyant en mon lit, et j'ai joint les mains. Et ce fut après l'avoir requise de prêter conseil, sur quoi elle me dit de répondre hardiment. Hardi. Jeanne le fut indéniablement. Mais Hardy l'est aussi la scénariste de la bande dessinée Moi Jeanne d'Arc, Valérie Mangin, qui dépeint la pucelle en sorcière, lesbienne et diablement femme. L'épopée de Jeanne d'Arc, effectivement, s'étend globalement sur deux ans, entre 1429 et 1431. On peut dire qu'elle a eu une année de gloire en fait entre 29 et 30. Ensuite, elle a arrêté, capturée, puis jugée et donc exécutée en 31. Et j'ai rapproché le fait que son épopée ne durait qu'une année du fait de... Enfin, je l'ai rapproché de l'année païenne, en fait, qui était rythmée par les quatre grands sabbats correspondant aux solstices d'été et d'hiver, donc 21 décembre, 21 juin, et aux équinoxes de printemps et d'été. Et finalement, Jeanne d'Arc, étant une sorcière, ayant le culte des anciens dieux, le culte de la nature, finalement, son aventure devait être liée à ce cycle de renaissance, d'épanouissement, puis de mort de la nature. Jeanne d'Arc, c'est une sorte d'avatar du cornu, du dieu qui naît, justement, le 21 décembre, et qui, comme le Christ... né aussi à ce moment-là, effectivement, et qui est tué finalement un an plus tard. Et qui renaît justement chaque année comme ça. Le Jeanne d'Arc n'est qu'un avatar de ce dieu qui naît et qui meurt chaque année, en fait. Enfin, vraiment, ce que tu disais, une héroïne mythologique, en fait. Par là, elle rejoint les héros. C'est un peu le pari d'Achille, en fait, avoir une vie courte et glorieuse plutôt qu'une vie longue et ennuyeuse à Don Rémy et garder des moutons, quoi. Quand j'ai commencé à écrire l'album, j'avais pour mission donc d'écrire une Jeanne d'Arc, d'écrire une histoire de sorcière avant que même Jeanne d'Arc soit là. Et donc j'ai tapé sur Google sorcière Moyen-Âge et je suis tombée sur la première ligne Jeanne d'Arc. Je me suis dit, tiens, oui, ce serait amusant si Jeanne d'Arc était vraiment une sorcière, en fait. Si les Anglais avaient eu raison, ça avait bien fait de la brûler, en quelque sorte, parce qu'elle était vraiment sorcière. L'idée est partie de là. Et c'est vrai qu'après, dans une perspective féministe, je me suis souvenue qu'une des premières revues, justement, fondées par les féministes, s'appelait Sorcière. Donc il y avait un vrai rapport, quand même, entre la sorcellerie, le féminisme, la culture féminine en général. Et c'est vrai que faire de Jeanne d'Arc une sorcière, c'est la replacer dans cette culture féminine du Moyen-Âge, en fait, qui échappait partiellement à l'Église, où il y a toute une culture, justement, comme ça, qui s'est développée en parallèle, où il y avait des femmes comme ça sages, qui connaissaient les herbes, qui connaissaient la nature et qui avaient, bon, ce que j'imagine c'est qu'elles ont gardé aussi ce culte de la nature, le culte des dieux anciens parallèlement, et je trouvais que c'est très intéressant de mettre Jeanne d'Arc à la fois bien incluse dans son village, dans sa parentèle, dans le royaume de France, mais aussi un peu en marge justement, et en marge parce que femme, parce qu'adepte de cette culture justement qui n'a pu survivre qu'en se mettant en marge de la société patriarcale de l'époque. The English wish to portray Joan as a sorceress. Anne Curie. As someone who was in league with the devil. Les Anglais dépeignent Jeanne en sorcière, comme quelqu'un de mèche avec le diable à une période de grande ferveur religieuse, la période médiévale où la foi chrétienne est très forte. But that means that any threat to that religion is chaque menace contre cette religion est prise très au sérieux. Les Anglais sont à cette époque très concernés par l'hérésie et tout ce qui va à l'encontre de l'ordre établi par l'Église est préoccupant. Jeanne dérange l'Église en prédisant le futur, en annonçant ce qui va se passer, et bien sûr parce que c'est une femme qui dit et fait des choses à une époque où la prêtrise tient une place cruciale dans la société. And it's not surprising also that in popular religion, for instance, maybe the il n'est pas étonnant, peut-être par superstition, que les gouvernants de l'époque ne soient pas très enclins à voir les habitants induits en erreur ou mal avisés. Ils ne veulent pas laisser courir le bruit que Jeanne est envoyée par Dieu. Ils mettent donc en avant une version alternative en présentant Jeanne comme un suppôt du diable. The Duke of Bedford, the regent of France for the English, was very worried that the Burgundians would defect to Charles VII, and he wrote a letter. Le duc de Bedford, envoyé par les Anglais en France, craint que les Bourguignons ne fassent fuir Charles VII et décide donc d'écrire une lettre pour ternir la réputation de Jeanne en affirmant qu'elle pratique la magie. Les Anglais cherchent à présenter Jeanne comme un suppôt de Satan plutôt que comme une personne pieuse envoyée par Dieu pour sauver les Français. Ils tentent de dénigrer Jeanne en la rattachant à des actes diaboliques. Être battu par une femme, ça, c'est absolument insupportable pour votre réputation. Mais être battu par les forces de l'enfer, ça, ça peut passer beaucoup mieux pour le moral. Et puis, ça permet de dire aussi qu'on est battu par le mal et que soi-même, on est le bien. Donc, c'est un... On voit chez Bedford en particulier cette idée que Jeanne est une sorcière, hein. Beaucoup plus que chez les Bourguignons, par exemple. Les Bourguignons pensent du mal de Jeanne d'Arc, mais ils vont pas jusque-là. Alors, la sorcellerie au XVe, c'est quelque chose à la fois de très présent et difficile à définir. Très présent parce qu'il y a d'abord plusieurs sortes de sorciers. Il y a des magiciens savants qui sont des universitaires, qui sont des spécialistes en chimie, en astronomie, et qui écrivent des livres de magie et de sorcellerie que pratiquement tout le monde consulte. Quand un bébé naît dans une famille très noble, on fait son horoscope. On recourt à ce type de magicien, et le roi de France a des magiciens de ce genre, et je veux dire, bien d'autres aussi. Il y en a aussi à la cour d'Avignon. Mais il y a aussi une autre forme de sorcellerie dans les villages, c'est la magie populaire. On recourt à quelqu'un, homme ou femme d'ailleurs, pour savoir si la récolte va être bonne, pour savoir quel sera le sexe du bébé, enfin des choses de ce genre, pour favoriser une naissance. Mais cette magie peut être blanche, c'est-à-dire concourir au succès de la communauté, ou être noire, c'est-à-dire quelqu'un qui porte malheur, qui sait faire dépérir les vaches de son ennemi, par exemple. Et ça, dans les villages, on y croit, et ça passe par l'intermédiaire d'un certain nombre de plantes, comme la mandragore, qui était évoquée à plusieurs reprises dans le procès de Jeanne d'Arc. On demande à Jeanne d'Arc si elle a une mandragore, si elle sait ce que c'est, si elle sait à quoi ça sert, et elle dit qu'elle n'a jamais eu de mandragore, mais qu'elle sait quand même ce que c'est. Il y en avait une qui poussait près de l'arbre au fil. Qu'avez-vous fait de votre mandragore ? Je n'ai point de mandragore, et jamais n'en eus. Mais j'ai ouï dire que proche mon village, il y en a une. Mais n'en ai jamais vu aucune. J'ai ouï dire que c'était chose périlleuse et mauvaise à garder. Je ne sais toutefois à quoi cela sert. En quel lieu est la mandragore dont vous avez ouï parler ? J'ai ouï dire qu'elle était en terre, proche l'arbre des fées, mais ne sait le lieu. J'ai aussi ouï dire qu'au-dessus de cette mandragore, il y a un coudrier. La mandragore, ça sert à faire devenir riche. C'est une plante que l'on attribue à tort cette vertu. Mais donc voilà, à l'origine, il y a des magiciens qui sont des savants masculins dans les cours, et puis des magiciennes de village, en quelque sorte, qui peuvent aussi d'ailleurs être des magiciens. Et puis, dans les années 1420, donc à l'époque de Jeanne d'Arc exactement, naît l'idée que certaines personnes, des hommes ou des femmes, au début il y a autant d'hommes que de femmes, ensuite il n'y aura plus que des femmes, passent un pacte avec le diable. Passent un pacte avec le diable pour obtenir justement ses pouvoirs d'action sur la maladie, la mort, la richesse, etc. Et ce pacte avec le diable vous engage pour l'éternité, c'est un peu l'histoire de Faust. Et à ce moment-là, vous portez un signe sur le corps, il y aura une histoire sur Jeanne avait-elle un signe ou pas dans le procès, ce problème apparaît. Et puis l'idée apparaît aussi que tous ceux qui ont passé un pacte avec le diable vont au sabbat. C'est une idée tout à fait neuve, le sabbat est en train d'apparaître, il n'y avait pas de sabbat avant. Alors le sabbat, situé d'ailleurs encore le jeudi par exemple parfois, et non pas le samedi, Jeanne répond c'est le jeudi en Lorraine. Donc effectivement, et que on va au sabbat en volant, sur un balai si possible. Bon. Mais c'est une idée tout à fait récente, et c'est une idée auquel tout le monde ne croit pas encore. Dans la région parisienne, on n'y croit pas. À Rouen, pas très sûr qu'on y croit. Les premières mentions de sabbat et de procès de sorcières, c'est dans les Alpes, dans les années 1420-1430. Donc c'est contemporain de Jeanne d'Arc, c'est vrai, mais pas encore répandu. Et au début, il n'y a pas que des sorcières, il y a aussi des sorciers. On brûle aussi bien des hommes que des femmes. Et progressivement se met en place une typologie de la sorcière, mais c'est plutôt la deuxième moitié du XVe, si vous voulez, que la période de Jeanne d'Arc. La sorcière doit être une femme désormais, il y a de moins en moins d'hommes accusés de cela. Elle ne doit pas être vierge. Bon, non vierge comme les prophétesses sont vierges, les sorcières sont non vierges. Elle doit être plutôt âgée, parce qu'elle doit avoir passé toute sa vie à apprendre des choses qu'elle ne devrait pas savoir, qu'ensuite elle enseigne aux autres femmes. Et puis enfin, ces femmes sont très souvent à l'écart socialement, c'est-à-dire des femmes pauvres, des femmes veuves, des femmes dont on se méfie pour des raisons diverses. Donc la typologie de la sorcière se met bien en place à cette époque-là, mais plutôt dans la seconde moitié du XVe. Alors, est-ce que les juges pensent que Jeanne est une sorcière ? Pas vraiment. Enfin, peut-être. Elle est bien jeune, ça ne correspond pas. Elle est vierge, incontestablement, ça ne va pas non plus. Elle est suspecte, si vous voulez, oui, parce que il la soupçonne de tout et n'importe quoi. Mais ils ne vont pas retenir cela. Mais ils vont lui poser des questions. Alors, la question la plus drôle, c'est de savoir si Jeanne vole ou si elle ne vole pas. Question qui apparaît devant les murs de Troyes, lors de l'expédition du Sacre, où les gens de Troyes sont persuadés que Jeanne va faire voler l'armée du roi au-dessus du rempart, et que bien qu'ils aient fermé les portes à clé, toutes les portes, l'armée va se retrouver dans les rues et sur la place principale de Troyes. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils capitulent. Et puis, quand Jeanne rencontre, par exemple, frère Richard, qui l'asperge d'eau bénite parce qu'il a peur d'elle, elle lui répond « Vous affolez pas, je ne m'envolerai pas. » Voilà. Et ensuite, dans la prison, on sait que il mettait toujours le lit le plus loin possible de la fenêtre et la fenêtre avec des barreaux pour qu'elle ne s'envole pas. Autrement dit, même les Anglais avaient des doutes de ce genre. Jeanne a toujours dit que non, elle ne savait pas voler. Non, vraiment non. Parce qu'il faut voler pour aller au savoir. Vous voyez, je vole est lié à ça. Avez-vous souvenir d'un bois qu'on nomme le bois chenu ? Il y a un bois que l'on appelle le bois chenu, qu'on voit de lui de mon père, et il n'y a pas la distance d'une demi-lieue. Je ne sais, et je n'ai jamais ouï dire si les dames fées y conversaient, mais j'ai ouï dire à mon frère qu'on disait au pays que j'avais pris mon fée à l'arbre de mesdames les fées. Mais ce n'était point, et je lui ai dit le contraire. Quand je vins devant mon roi, certains demandaient si en mon pays il n'y avait point de bois qu'on appela le bois chenu. Car il y avait prophétie qui disait que de Devers, le bois chenu, devait venir une pucelle qui ferait merveille. Mais en cela, je n'ai point ajouté de foi. Ce qu'il y a de fascinant dans le personnage de Jeanne d'Arc, c'est que vous allez n'importe où en Europe, vous entrez dans un bois, et vous pouvez avoir cette relation avec la nature, hein, qu'elle avait, évidemment. D'ailleurs, le bois chenu de Jeanne d'Arc, il a été incendié pendant la guerre de 30 ans. Donc, il n'y a plus un arbre qui ait connu Jeanne dans ce bois. Il a repoussé, hein, on l'appelle toujours de ce nom, et il est aujourd'hui illustre à cause de Jeanne, mais aucun des arbres qui sont là n'ont connu Jeanne d'Arc. Il doit paraître une pucelle, dit la chanson de vieux Merlin. Elle sera vaillante et belle, et viendra du pays lorrain, et viendra du pays lorrain. Les temps sont durs, que ne vient-elle? On en était arrivé au point où les gens n'appelaient plus la fille de Don Rémy, ou la Jeannette de Don Rémy, mais la Pucelle. Comment pouvait-il gober ça? À 17 ans, des Pucelles, il n'en avait plus que dans les couvents, et encore. Les autres étaient mariés, avaient fait un ou deux enfants, ou bien étaient partis avec des soldats. C'est ce qui finirait par arriver à celle-ci. Jacques d'Arc, son père, avait essayé de la marier à un brave garçon rencontré à Neuchâtel l'été dernier. Elle avait fait faux bond, et il y avait eu procès au tribunal ecclésiastique de Toul, à la requête du promis dépité. D'Arc avait une nuit rêvé que sa fille filait avec une bande de routiers. Au réveil, il avait menacé de la jeter lui-même dans un trou de la Meuse, si jamais elle en esquissait l'intention. Et si lui ne le pouvait, ses frères le feraient pour l'honneur de la famille. Courir la campagne, flairer la mâle odeur de la guerre, le pauvre homme avait bien compris ce qu'elle avait dans la tête. Le père connaissait sa fille. Il l'aimait. Il la croyait sans doute en ce moment à Burée, auprès de la femme de Laxar qui relevait de ses dernières couches. Il a convoqué ses frères et ils se sont demandé comment ils pouvaient la noyer. Ce qui n'était pas une matière de soutien, évidemment, très évidente. C'est parce que le capital d'une famille, c'est un capital moral aussi. Et dans ce village, ils appartiennent aux élites d'un village, certes. Mais pour eux, ça compte. Et il faut donc qu'ils défendent d'un côté leurs biens. Bon, le problème ne se pose pas là. Mais aussi le capital moral, intellectuel, spirituel, si vous voulez, de la famille, immatériel. Et il y a donc là-dedans la bonne réputation. La bonne réputation, c'est très important. Et c'est même plus important pour une fille que pour un garçon. Parce que si une fille faute, si elle s'en va sur les chemins, elle va finir avec un soldat. En tout cas, c'est comme ça que le père raisonne. Et donc, tout le statut familial sera perdu. Quand vous êtes parti de chez vos pères et mères, ne croyez-vous point péché ? Puisque Dieu le commandait, il le convenait faire. Puisque Dieu le commandait, si j'avais eu 100 pères et 100 mères, si j'eusse été fille de roi, je serais partie. La voix me disait qu'il fallait que je partisse et que je vinsse en France et que mon père ne sut rien de mon départ. La voix me disait de venir en France et je ne pouvais plus durer où j'étais. Cette voix me disait encore que je lèverais le siège mis devant la cité d'Orléans. Elle me dit en outre d'aller à Robert de Baudricourt dans la ville de Vaucouleurs et qu'il me donnerait des gens pour aller avec moi. Quand je fus venue en ladite ville de Vaucouleurs, je reconnus Robert de Baudricourt alors que je ne l'avais jamais vu auparavant, car la voix m'avait dit que c'était lui. Robert, par deux fois, me repoussa et me refusa. Et la tierce, il me reçut et me donna des hommes. La voix m'avait dit ce qui arriverait. Le territoire tenu par Robert de Baudricourt se réduisait à pas grand-chose. La forteresse, Vaucouleurs et quelques villages alentours. Le roi, sa cour, ses généraux et son armée étaient loin, à 10 jours de cheval. Aux confins du Barrois, au milieu de la petite ville, de sa garnison rabotée par les combats et des pauvres gens vivant sous les murs du château fort, le capitaine résistait. Fièrement, dignement, tenir la parole donnée, que pouvait-il faire d'autre? Il n'avait pas frappé si violemment, n'est-ce pas? Sinon sa main lui aurait décollé la tête. Et puis elle l'avait bien cherché, la satanée donzelle, à soutenir ainsi son regard. Avait-on jamais vu une paysanne s'adresser à un chevalier sur ce ton? À croire qu'elle l'aurait commandé, lui, le sire de Baudricourt. Elle a le don de faire vibrer le ciel Pour elle, les étoiles sont des étincelles. Pour elle, une armée peut se lever et le monde peut changer. Elle est magicienne. En fait, ce seigneur connaissait Charles VII. Véronique de Saint-Germain. Elle est venue le voir, elle lui a écrit, elle est venue le voir plusieurs fois pour lui demander de l'aider, qu'elle était missionnée. Et lui, bien sûr, il n'y croyait pas. Alors, je ne sais pas s'il l'a giflé, mais en tout cas, il l'a renvoyée deux fois chez elle en lui disant écoute, arrête de rêver, va tondre tes moutons. Et en fait, c'est à la troisième fois qu'il a vraiment senti qu'elle avait quelque chose, qu'elle avait. Il s'est dit bah, pourquoi pas Tanton. Et donc, oui, je joue ce personnage de Robert de Baudricourt. À la fin du jour, la foule se pressait à la porte de France. Baudricourt, mécontent, avait fait repousser dans les rues, à l'abri des murailles, les habitants montés jusque-là. Il avait été convenu que Jeanne et son escorte quitteraient la ville aussi discrètement que possible et feraient les premières étapes de nuit, afin d'échapper aux patrouilles ennemies et aux espions. Mais les gens voulaient voir. Tous, ceux qui avaient payé le cheval et l'équipement de la pucelle, comme les autres qui ne pouvaient offrir que leurs vœux, souhaitaient assister au départ de l'expédition. Les gens de vos couleurs, certains hommes avec un enfant juché sur les épaules, regardaient sans un mot. Leur silence participait de l'aventure qui commençait, enveloppait le petit groupe de cavaliers d'une prière ardente et inquiète. La pucelle était de leur sang. Bourgeois et paysans du Barrois, petite province lointaine, aux marches de la Lorraine, oubliés sur les confins du royaume. Elle parlerait au roi. Le royaume serait sauvé. Et ils seraient libres et en paix. Les sept cavaliers en tenue de voyage attendaient de Baudricourt le signal du départ. Devant était le guide, Collet de Vienne, qui d'ordinaire acheminait entre Vaucouleurs et la Loire les messages échangés entre le capitaine et le roi. Près de lui se tenait Jean de Metz et un autre homme d'armes, Bertrand de Poulangy. Jeanne, sur un cheval qu'un palefrenier tenait par la bride, regardait les visages tournés vers elle, taches claires dans la pénombre. Pour protéger du froid son cou découvert, elle avait relevé sa pèlerine. À pied, comme tous les assistants, Baudricourt était près de la jeune fille, à hauteur de sa jambe haut beauté. Sur un signe de lui, elle se découvrit. De sa main gantée, il avait saisi à plein corps l'épée tendue par son écuyer et la présentait à la jeune fille. Elle la saisit par la poignée et la contempla un instant, comme si elle cherchait son reflet sur la lame. Jean de Metz s'était rapproché et, se penchant vers elle, avait bouclé autour de sa taille un baudrier. Elle glissa l'âme dans le fourreau. On entendit le fer frotter le fer. Baudricourt dit quelques mots. Jeanne acquiesça de la tête et les chevaux, en s'ébrouant, dans la buée de leur respiration, s'avancèrent vers l'ouest qu'avait conquis la nuit. C'est un moment essentiel. Jeanne sera, on le sait, une cavalière émérite. C'est à ce moment-là qu'elle apprend à monter à cheval. Elle est avec ses écuyers, Jean de Metz, Bertrand de Poulangy, et il faut les imaginer, au début, la conduisant, la guidant, et lui apprenant à diriger un cheval, lui apprenant le pas, le galop, le trot. Tout cela, elle a appris entre Vaucouleurs et Chinon, sous la conduite de ses cavaliers expérimentés. Et puis elle voyage de nuit. Ça doit être à travers la forêt. Hein. Dès qu'elle est sortie de la vallée de la Meuse, elle traverse de grandes forêts. Les forêts qui sont celles aujourd'hui de la Haute-Marne. et puis ensuite de l'aube. Ça doit être inquiétant. Elle n'a pas l'habitude de se déplacer la nuit. La nuit, elle dormait chez elle. Et elle est entourée d'hommes. Elle est certes habillée en homme, mais c'est une jeune fille. Et ces hommes sont les soldats. Et il faut les imaginer en train de se parler. Et elle apprend. Elle apprend, ce que c'est que la vie d'un soldat. Elle apprend aussi peut-être à porter son épée, à mieux la placer, pour qu'elle ne blesse pas à la hanche. Elle apprend à nourrir son cheval, à le flatter, à l'encourager. Tout ça, elle l'apprend de ses hommes pendant ce voyage à travers la France, ce voyage nocturne, ce voyage risqué. Il faut éviter d'être aperçu, d'une part pour ne pas être capturé, et d'autre part pour que les Bourguignons ne soient pas prévenus qu'elle part vers le roi, avec cette mission fabuleuse de délivrer Orléans et ensuite de le faire sacrer, de faire sacrer le dauphin Charles à Reims. Ils chevauchèrent jusqu'à l'aurore, sous la mêlée des arbres, en contournant les villages et les châteaux peu nombreux sur ce plateau chevelu entre Meuse et Marne. Par des chemins détournés, le messager évitait les coins dangereux. Les cavaliers le suivaient à la file. Leurs yeux croisaient des lueurs dans les fourrés, frémissant de rapides frôlements. Les bêtes sauvages les regardaient passer. Les voyageurs ne disaient rien. Seul le cri d'une chouette, le couinement de sa proie, les pas des chevaux, le cliquetis d'un mort, d'un étrier ou d'une arme, fendaient le silence et l'ombre. Pendant 10 jours encore vont recommencer les chevauchées que nous qualifierons à la fois voyage rapide et marche lente. Jeanne, de Sainte-Catherine de Fierbois, mandera au roi qu'elle a fait 150 lieues pour lui venir en aide. Nous acceptons ce chiffre qui paraît du reste conforme à la vérité. C'est voyager très vite que d'accomplir 11 étapes successives d'une moyenne de 55 kilomètres. La troupe que commande Jean de Metz est partie de Vaucouleur le 23 février à l'heure même du crépuscule. Elle arrivera à Chinon le 6 mars vers midi. Aujourd'hui, on dirait, c'est une belle performance. Et, ma foi, tenant compte des circonstances, des marches de nuit, du nombre des cavaliers, de la qualité des chevaux, l'épithète toute moderne de « record » devrait trouver ici son application. Jeanne d'Arc et ses compagnons détiennent le record de Vaucouleur à Chinon en moins de 11 jours, montant les mêmes chevaux, suivant des chemins de traverse, évitant d'être vus, soutenus seulement par le sentiment du devoir et la fermeté de leur patriotisme. Louis Champion, Jeanne d'Arc, écuyère. Passer plusieurs jours à cheval, on s'imprègne complètement de l'odeur du cheval, et puis un cheval qui galope sue. Et forcément, du coup, là, l'odeur de ce corps animal en mouvement qui exhale tout ce qu'il peut exhaler, c'est très, très puissant. Je pense que ça doit être justement pour elle. Mathilde Laurent et Elisabeth de Feydeau. Ça a dû rester, ou ça serait resté si elle avait vécu très vieille, un souvenir impérissable, extrêmement puissant. Et il aurait suffi de lui faire sentir ce qu'on appelle un living ou un headspace, en fait, qui est donc cette photographie olfactive. C'est-à-dire qu'on va aller auprès d'un pur sang, on va lui mettre une espèce de grande cloche en verre sur la peau, sur le poil, et puis on va, dans cette cloche en verre, se trouve un capteur, et c'est ensuite en analysant ce charbon actif ou ce polymère absorbant en laboratoire qu'on va obtenir la composition exacte, la formule chimique, la recette en fait de l'odeur de ce cheval qui vient de courir. Alors, Alors, on cherche le living pur sang, en fait, pour vous faire sentir vraiment l'odeur du pur sang qui vient de courir. Mais là, il est introuvable. Ah, alors, allons voir sur mon bureau. Non, je le trouve pas. Ah, si, voilà. Voilà. Donc là, dans ce flacon, vous avez tout un cheval. Au galop. Tout un cheval au galop, voilà. Donc, on pourrait, si on faisait sentir à Jeanne d'Arc ce headspace de pur sang, elle serait très probablement saisie, et puis elle, immédiatement, parce que c'est le pouvoir du souvenir olfactif, en sentant cette odeur à 90 ans, elle serait projetée immédiatement dans sa chevauchée pour aller rencontrer le roi. Elle se retrouverait au galop, sur sa selle, elle verrait l'encolure de son cheval. Enfin, voilà, c'est un souvenir olfactif. Quand on sent quelque chose qui le réveille, c'est pas une image qu'on a dans la tête, c'est tout d'un coup la projection totale dans le décor, voilà, physiquement, par tous ses sens, on revit l'instant, même assis dans son fauteuil. Au soir commençait la deuxième étape. Ils franchirent la Marne à gué, à l'endroit où boivent les vaches. Les neiges de l'Angre n'avaient pas encore fondu et le flot était clair. Ils pouvaient voir, dans les dernières lueurs du jour, les cailloux et les herbes sur lesquelles filait l'eau glacée. Une deuxième étape nocturne commençait, toujours vers l'ouest, où le soleil venait de disparaître. Afin que leur passage laissât le moins de traces possible, Jeanne avait renoncé à entendre les vêpres dans la chapelle, et la petite troupe avait quitté Saint-Urbain discrètement, défilant sans bruit le long des murs. En remontant à Ravin sur la rive opposée, ils débouchèrent sur le plateau. Le pays champenois qu'ils traversaient n'était pas plus sûr que les marges de Lorraine. Troyes était tenue par les Bourguignons, et leurs forces, en se ravitaillant dans les environs, s'y étaient attachées de nombreuses alliances et complicités. Jeanne et ses compagnons continuaient d'éviter les lieux habités, empruntaient des chemins cachés et peu entretenus. Voyageurs furtifs, en vêtements sombres, ils recherchaient le couvert des arbres, qui les dérobaient à la curiosité des regards et au fouet de la bise. Les sons et les mouvements de la nuit ne les inquiétaient plus. Leurs sens s'étaient habitués. Le ululement d'un hibou sur son territoire de chasse, suave et prenant, la solitude d'un chêne, son orbe découplé sur la nuit, le vol errant d'une chauve-souris étaient les signes d'amitié de la forêt. Ils avançaient comme des ombres dans un rêve. Et c'était le rêve de la jeune fille. Il coupait les cours d'eau qui montaient vers la Seine et le nord de la France, vers Châlons et vers Reims. Jeanne demandait au guide quelle route menait là-haut, puisque bientôt il conduirait le dauphin au sacre. Leurs chevaux buvaient dans les ruisseaux. Découvre le monde. Elle apprend énormément de choses. C'est à proprement parler un voyage initiatique. Lorsqu'elle arrive à Chinon, elle est une cavalière expérimentée. Elle sait porter une épée. Elle sait comment se comportent les hommes d'armes. Elle les connaît. Elle sait se repérer aussi dans la nature. Elle sait se repérer à partir du soleil. Elle apprend le monde. Et lorsqu'elle arrive à Chinon, elle n'est déjà plus la petite paysanne de Domrémy. Elle est une voyageuse, certains diront une aventurière. Je le retiens dans la meilleure part, c'est-à-dire qu'elle connaît les gestes de l'aventure. Elle a pris la mentalité de l'aventure, se cacher et former une équipe. Lorsqu'elle arrive à Chinon, ces hommes qui sont des étrangers, au départ de vos couleurs, à part Jean de Metz, qu'elle côtoie depuis un certain temps et qui lui est tout dévoué, ces hommes sont devenus ses amis, ce sont ses premiers compagnons. Le 6 mars 1429, dans la matinée, le cœur de Jeanne dut battre d'une forte mais fière et légitime émotion. Chinon. C'était le roi. C'était le but du voyage. Et Chinon apparaissait adossé à la colline, regardant à la fois les vallées de la Loire, de l'Indre et de la Vienne. Chinon, dont le fier château, hérissé de tours et de donjons, renfermait la tête, la fortune de la France. Pendant que, près du cimetière de la Porte Saint-Étienne, cavaliers et chevaux font la dernière halte, saluons ces vaillants qui ne se trouveront plus jamais réunis. Disons surtout un suprême adieu aux dévoués serviteurs de Jeanne, à ce brave cheval de vos couleurs dont nous ne rencontrerons plus la trace. Il a connu fatigue et privation, il ne sera pas à l'honneur. Et d'autres conduiront à la victoire celle que lui, du moins, a portée pour la France des rives de la Meuse au château du roi. Il mérite un souvenir de cavalier et de patriote. Nous nous faisons un devoir de le lui donner ici. Louis Champion, Jeanne d'Arc écuyère. Cheval, cheval, tu cours comme un fou. Tu cherches à nous servir, envers et contre tout. Ta crinière de feu éblouit nos combats. Cheval si courageux, je te nomme roi. Cavale contre l'ennemi, sans défense, sans armure. Tes sabots, ton allure, tout chez toi est pur. Ta fougue résonne dorénavant comme la vie. Cheval, cours, sauve, galope, hennie. Des millions de chevaux ensevelis, les tripes à l'air, les yeux arrachés. Des millions de chevaux ensevelis pendant les guerres, les yeux arrachés. Merci cheval, merci de te faire tuer en notre nom. Tu es le plus beau, je t'aime. Tu es le plus beau, je t'aime. Je t'aime. Charles de Valois n'avait pas fait de manière. On le savait pragmatique et peu porté sur les pompes du pouvoir. C'est qu'il n'en avait plus beaucoup. Il s'était rencogné dans une embrasure pour y déchiffrer au jour le pauvre papier. Il avait souhaité en prendre connaissance directement et l'avait relu avec attention, comme s'il cherchait dans les mots quelque chose de plus que ce qu'il disait. Son visage était mou, sans expression, si bien que les gens de jugement hâtif le prenaient pour un imbécile. Mais il montra de l'impatience à recevoir la lettre de Baudricourt annoncée par celle qui signait Jeanne. Un conseiller fit observer la maladresse de la signature et s'en moqua. Cela ne fit pas sortir son destinataire de sa rêverie. Charles, son administration et son armée avaient cherché le salut sous la Loire, où les Anglais venaient maintenant le chercher du bout de leur lance. Au début de l'automne, l'ennemi avait posé sur les routes qui conduisaient à Orléans des verrous fortifiés, tenues par un réseau de petites garnisons. Elles avaient repoussé tous les assauts français, même les plus violents. Le secours avait beau venir en nombre, mettre en œuvre un plan concerté et frapper fort, il y avait toujours quelque chose qui clochait, et c'était l'échec. Le doute s'accroissait des espoirs déçus. On n'y croyait plus. On pensait les chefs anglais plus habiles, leurs archers plus adroits, leurs soldats plus disciplinés. Ils étaient invincibles. Seul leur résistait l'obtuse inertie de hautes et épaisses murailles. Pourtant, derrière elles, on ne pourrait durer indéfiniment. Privé de ravitaillement, à bout de ressources, Orléans finirait par tomber. Alors l'Anjou ne serait plus tenable, et il ne resterait au Dauphiné qu'à se replier en Auvergne, dans une des vieilles forteresses de granit qu'il avait là-bas. Ensuite, ce serait le Languedoc, les remparts ensablés d'Aigues Mortes, la résignation et la mer. Parfois, au réveil, au sortir de rêves dont il ne se souvenait pas, Charles était surpris de voir ses serviteurs encore là, à s'affairer autour de lui. La garde se relayait dans la cour du château, et la bannière aux lys de France, celle de ses ancêtres, dans les remous de l'air, balayait de ses plis la coiffe d'une tour. J'allais jusqu'à mon roi sans empêchement. Comme j'étais arrivée à Sainte-Catherine de Fierbois, alors j'envoyais un messager à mon roi. Puis, j'allais à la ville de Chinon, où était mon roi. J'y arrivais environ l'heure de midi et me logeais en une hôtellerie. Après dîner, j'allais vers mon roi, qui était dans le château. Quand j'entrais dans la chambre du roi, je le reconnus entre les autres par le conseil de ma voix qui me le révéla. Je lui dis que je voulais aller faire la guerre contre les Anglais. Pourquoi votre roi vous a-t-il reçu ? La voix m'avait promis que mon roi me recevrait assez tôt après que je serais venue vers lui. Ceux de mon parti connurent bien que la voix m'était envoyée de par Dieu, et virent et connurent cette voix, je le sais bien. Mon roi et plusieurs autres ouïrent et virent les voix qui venaient à moi. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. L'important, c'est ce qu'on en a dit. Philippe Contamine. Ça a été une rencontre dans le château de Chinon, ça c'est incontestable, probablement dans l'une des salles, peut-être même l'une des principales salles du château de Chinon, presque aussitôt après que Jeanne d'Arc a traversé l'est de la France, depuis Vaucouleurs jusqu'à Chinon. C'était pas commode, zone d'insécurité. Elle était plus tranquille à partir du moment où elle avait franchi la Loire à Gien. Mais avant, c'était quand même une zone bourguignonne. Donc, elle arrive et elle demande à être reçue par le roi. Bon. Peut-être qu'il y avait une lettre d'introduction de Robert de Baudricourt. Bien. Ben, n'importe qui ne peut pas accéder au roi comme ça, même si c'était, disons, à l'époque, c'était peut-être moins formalisé que de nos jours. Bien sûr, c'est une affaire entendue. Et donc, on s'interroge, et elle n'accède pas tout de suite au roi. Il y a une sorte de simili-examen. Est-ce que c'est une folle? Est-ce que c'est une espionne? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire? Et finalement, eh bien, il a été décidé, après cet examen très rapide, de la présenter au roi. Et presque aussitôt, il y a cette idée que le roi se dissimule. Et se dissimule, qu'est-ce que ça signifie, se dissimule? Un roi, bon, dans la tradition, il a un habit royal, et puis il y a des courtisans. Eh bien, probablement que Charles VII avait les mêmes habits, les habits courts des autres gentilshommes de sa cour. Par conséquent, au sein de ce groupe de gentilshommes où elle se trouve, il y a eu quelques prélats, quelques gens d'église, eh bien, Charles VII est, pour ainsi dire, anonyme, il n'est pas sur un trône. Hein, et donc, elle le repère. Elle le repère de façon, disons, mystérieuse. Et elle a dit elle-même, eh bien, ce sont les voix qui m'ont aidé à le repérer. Du reste, le même processus s'était réalisé pour Robert de Baudricourt. La première rencontre avec Robert de Baudricourt, Jeanne d'Arc ne le connaissait pas et l'a repéré également grâce à ses voix. Y avait-il un ange sur la tête de votre roi ? Quand vous le vîtes pour la première fois ? Par la bienheureuse Marie. S'il y était, je ne sais, je ne l'ai point vu. Y avait-il de la lumière ? Il y avait plus de 300 chevaliers et 50 torches, sans compter la lumière spirituelle. Et rarement j'ai eu révélation sans qu'il y ait lumière. Alors donc, il y a une entrevue assez rapide, assez informelle, qui a peut-être duré quelques minutes. Un quart d'heure, une demi-heure. Et le roi et Jeanne d'Arc sont un petit peu à part, les courtisans regardent, et donc on voit à un certain moment, en tout cas c'est Alain Chartier qui le dit dans une lettre au duc de Milan, le roi illuminé par la joie, par l'espoir. Donc quelque chose s'est passé, et Jeanne d'Arc a essayé de convaincre le roi que premièrement elle était une envoyée du ciel, une prophétesse envoyée du ciel à son aide, et que deuxièmement, il était légitime que le ciel l'envoie à son aide, car il était le véritable roi de France. Donc tout de suite, il y a du surnaturel ou de pseudo-surnaturel qui intervient dans cette rencontre. elle va jouer le rôle d'une prophétesse chargée de donner un message au roi pour l'encourager, en gros, pour lui dire que Dieu lui pardonnait, qu'il était le vrai roi. Et c'est ainsi que c'est par la parole qu'elle a convaincu. Et c'est le secteur où elle est la plus différente des autres femmes. Le problème de la parole de Jeanne, c'est que ce n'est pas la parole normale des femmes. L'Église dit depuis Saint Paul que les femmes ne parlent pas dans les assemblées, qu'elles se taisent. Et donc la parole publique est interdite aux femmes. Et c'est bien là qu'est le problème. Donc elle est souvent insolente. Voilà. C'est que d'habitude, la parole prophétique reste entre vous et moi, je veux dire entre le prophète et le roi. Or là, elle a révélé, elle a dit à tout le monde quel était le message et ce qu'il fallait faire. Les prophètes de la génération d'avant Jeanne d'Arc vont simplement donner le message et ensuite ils se retirent. C'est pas à eux d'accomplir. Or, Jeanne d'Arc voulait accomplir le message qu'elle apportait. C'était à elle d'aller à l'armée, c'était à elle d'aller faire sacrer le roi, à elle. Donc, sa parole était plus publique, plus insolente, plus anormale, si vous voulez, que la parole des autres prophétesses. La plupart des autres prophétesses ont fini tranquillement dans un couvent et pas sur un bûcher. Hein. Jeanne était enfin parvenue jusqu'à son roi, à Chinon. Et moi, j'étais dans la salle à manger de Colette Beaune. Et j'avais sous les yeux la Loire, là où la Pucelle allait défier l'ennemi en armure et remporter sa plus fracassante victoire. Orléans. L'âme de Jeanne. Un documentaire produit par Martin Kénéen et réalisé par Doria Zénine, avec la complicité de Nazia Magnez et Anouk Renaud. Prise de son, Alexandra Bergel, Christophe Goudin et Yvan Turc. Mixage, Claude Niort. Avec les voix de Garance Marillier, Quentin Bayot et Michel Villermoz de la Comédie Française. Texte extrait de Jeanne d'Arc, le procès de Rouen, de Jacques Trémollet de Villers, paru aux éditions des Belles Lettres, et de Le Bon Cœur, de Michel Bernard, publié à la Table Ronde. Merci au Centre Visage de Jeanne de Domrémy, à l'Académie Équestre de Versailles, aux musiciens de Saint-Julien et au Musée de Cluny. Vous pouvez retrouver la liste de nos bouillants intervenants et de toutes les références musicales et bibliographiques de cette émission sur notre site internet. Jeanne d'Arc, une rencontre. Une grande traversée qui se prolonge, se réécoute et se podcast sur franceculture.fr. Demain, troisième épisode, Jeanne de Fer.